tape avec les pieds, bébé tape, mais tape sur le tempo, allez tape, moi tape, ouais c'est l'été, bébé lent. Claque, claque tes doigts de fée, allez claque, mais claque sur le piano, bébé claque, mais claque et fais pisser, allez lent. Ton corps dans le fil électrique, ça balance, ça voltige, c'est nerveux, allez renvoie ton corps dans la zic, amoureux, l'amoureux. C'est du mouvement, des blocs, c'est du slip et des fleurs, androgyne dans les jeux, chérie renvoie ton corps dans la zic, amoureux, l'amoureux. Jam et jam pour le DJ, allez jam et jam sur le tempo, allez jam, moi c'est l'été, bébé lent. Tape et tape, ouais, dans tes mains, allez chante et chante, ouais ça devient chaud, allez tape, ouais tape jusqu'à demain, bébé lent. Ton corps dans le fil électrique, ça balance, ça voltige, c'est nerveux, allez renvoie ton regard dans la zic, amoureux, amoureux. Fais du mouvement, des blocs, c'est du style, fais des fleurs de famille dans les cheveux, allez renvoie ton corps dans la zic, amoureux, amoureux. Allez jam et jam tout oublier, allez jam et jam sans t'arrêter, bébé d'amour. Bébé tape, tape avec les pieds, bébé tape, mais tape sur le tempo, allez tape, tape, ouais c'est l'été, bébé d'amour. Avec tes doigts de feu, bébé claque, mais claque sur le piano, allez claque, mais claque et fais pisser, bébé d'amour.